Eh bien, on va, avec le concours de la réalisation, présenter tout de même cette une du New York Times qui fait état de ce que Afrique Média est le média par excellence qui porte la propagande russe sur le continent africain. Les images n'ont pas été choisies au hasard par ces journalistes du New York Times. On peut entreapercevoir sur la télévision qui nous est proposée une image du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya Issa Diawara. L'image parle d'elle-même, elle n'a certainement pas été choisie au hasard. Non, tout sauf le hasard. Vous avez affaire à des experts en communication. Ce ne sont pas des amateurs. Vous ne pouvez pas parler du hasard. Tout est choisi, tous les mots sont choisis. Toutes les images, la décoration, tout a été choisi. Tout a été fait exprès. Donc, pour eux, aujourd'hui, c'est le président du Cameroun, Paul Biya et son Excellence, qui est derrière Afrique Média et bien sûr, qui est derrière, en tout cas, cette guerre à la communication. En tout cas, que l'Afrique est en train de livrer, bien sûr, aussi à l'Occident. Et d'ailleurs, l'Afrique ne livre même pas une guerre de communication à l'Occident. L'Afrique est en train de communiquer sur ses potentialités. L'Afrique est en train de communiquer sur sa dignité. Qu'est-ce que dit Afrique Média? Afrique Média dénonce les agressions contre les peuples d'Afrique. Ça, c'est le premier point important. Et il est très normal que cela déplaise aux adversaires. Deuxième des choses qu'il faudrait retenir, Afrique Média parle de la dignité de l'homme africain en tant que tel. Parle de l'histoire de l'homme africain, parle bien sûr et projette l'homme africain dans l'avenir. Et ça ne convient pas à ceux qui ont réservé à l'homme africain le sort de l'esclave, le sort d'un colonisé, le sort d'un complexé. Cela ne plaît pas bien sûr à ces gens-là, c'est très normal. N'oubliez pas que les médias aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, influencent les politiques publiques, influencent les prises de décision. Donc, pour eux, il faudrait que les Africains continuent de consommer les produits finis des médias occidentaux. RFI dit ceci, c'est quelle émission, on va dire quoi, appel sur l'actualité, quoi, archive, quelque chose comme ça. Il s'agit des archives de l'Afrique selon la version occidentale. Et aujourd'hui, les questions pour les Africains, à travers Afrique Média et des médias concernent, bien sûr, de réécrire la vraie histoire de l'Afrique, de communiquer la vraie réalité africaine, de parler, bien sûr, de ce que l'Afrique peut apporter au reste du monde, et bien sûr, de dénoncer l'agression faite contre l'Afrique. C'est pourquoi ces gens, aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont tenté, il faut essayer de saboter nos émissions en plein direct. Souvent, on a les directs qui sont perturbés. La guerre nous attaque par tous les moyens. Les comptes des panafricains sont restreints. Il y a les djihadistes qui vont revendiquer des attaques. Sur Internet, personne ne bloque le compte. Mais il suffit qu'Afrique Média se mette à diffuser des choses. Là, il faut s'apprendre à Afrique Média, il faut bloquer. Il suffit que des panafricains se mettent à commenter des trucs ou à faire des commentaires, il faut bloquer leur compte. Et il faut inventer mille motifs pour cela. Mais au même moment, on laisse des touristes comme des Boakar Chekaou, comme des gens je ne sais pas, d'Al-Qaïda, les gens de leur État islamique. Et revendiquer tout ce qu'ils ont à faire sur Afrique, sur Internet, permettre à France 24 d'aller interviewer un chef terroriste, là ce n'est pas un problème. Là ça ne dérange personne. Mais il suffit que les médias panafricains parlent réellement des problèmes africains et bien sûr parlent des partenaires qui aident aujourd'hui l'Afrique à se libérer, entre autres la Russie et d'autres partenaires. Et là c'est un crime. Il faut abattre ces gens-là et dans leur vie, dans leur angle de vie, c'est pourquoi des Africains qui ne comprennent rien, qui disent que le président camerounais, oui, il a fait un nombre d'années, il faut en parler, les gens n'ont rien compris. Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir et nous continuons de bien parler de Kadhafi. Vous pouvez passer 100 ans au pouvoir, tant que c'est dans le bonheur du peuple africain, nous allons vous glorifier. Mais passer une seule minute au pouvoir, si c'est contre les intérêts des peuples d'Afrique, nous allons vous combattre. Passez une seule seconde au pouvoir. Si c'est contre les intérêts des peuples d'Afrique, je le répète, nous allons vous combattre. À plus forte raison, vouloir tenter un troisième mandat. Mais tant que vous êtes là à faire, en tout cas, le bonheur des peuples d'Afrique, mais si vous êtes comme Assimi Goïta, comme Kadhafi, comme autre chef d'État africain, mais si vous pouvez, si Dieu veut qu'il vous donne 100 ans, un siècle au pouvoir, ce n'est pas un problème. Pour nous, tant que c'est notre bonheur, mais dis donc, et l'autre là, Angela Merkel, elle n'a pas fait 4 mandats au niveau de l'Allemagne. Cela a causé un problème. Le problème, ce n'est pas la longévité au pouvoir. Le problème, c'est est-ce que le peuple a son bonheur dans votre longévité au pouvoir? Si c'est un autre peuple, comme les Wattiner continuent de faire le bonheur du peuple français au détriment de sa propre population, là, nous allons te combattre. Si vous voulez faire le beau jour de la France, prolonger la survie de la France, Afrique, là, vous avez affaire aux panafricains. Mais tant que vous contribuez à redonner à l'homme noir sa dignité, tant que vous contribuez à redonner aux autres peuples du monde leur dignité, bien sûr, en respectant celle du peuple noir, tant que vous contribuez à sauvegarder les intérêts de l'Afrique dans son ensemble, tant que vous contribuez à combattre l'hégémonie occidentale, mais bien sûr, vous êtes des nôtres, il n'y a pas de problème. Donc, normal qu'ils décident de faire la guerre, bien sûr, en Afrique média, au Cameroun et à l'Afrique tout entière qui est en train de s'intégrer. Et normal qu'ils acceptent aussi que nous autres, que nous fassions la guerre à BFM TV, que nous fassions la guerre à LCI, que nous fassions la guerre à RFI, que nous fassions la guerre à France 24, que nous fassions la guerre à Macron, que nous fassions la guerre à Joe Biden, que nous fassions la guerre à l'Occident dans son ensemble. Nous sommes dans la réciprocité. C'est du dent pour dent, un pour un. Ils peuvent souffrir de voir cela, mais dorénavant, c'est comme ça. Ils incitent le Cameroun ou le Mali, nous allons multiplier ça fois 1000. On va riposter. Ils insultent le président Paul Biya, nous allons insulter Joe Biden. C'est du dent pour dent, un pour un. Que les choses soient très claires. Ils insultent Assimi Goïta, et nous allons insulter Macron, nous allons insulter Joe Biden. Dorénavant, c'est la réciprocité. Les Africains ne peuvent plus pleurer, pleurnicher, et voir tout ce qui... J'ai peut-être loupé la première thématique, mais monsieur Junior Wafo, dorénavant, c'est de la réciprocité. Tant qu'ils s'attaquent à Afrique Média, dites-vous que c'est bon. Ça montre que l'Afrique Média est en train de gagner. Nous sommes en train de gommer les pions. Nous sommes en train de les malmener. C'est ce qui est en train d'arriver. Et tant que c'est le cas, ils vont continuer de mal parler d'Afrique Média. Si Afrique Média ne faisait pas les croix, dites-vous qu'ils n'allaient jamais prononcer même le mot Afrique Média, ils n'allaient jamais projeter l'image d'Afrique Média, du chef d'État du Cameroun. Quand ils se livrent à cela, dites-vous que ça fait mal. Et là, nous allons encore pimenter un peu. Nous allons ajouter un peu du piment. Et même du piment là, on va ajouter le piment. Il y a un piment d'Afrique là, qui pique beaucoup. Là, nous allons mettre ça dans les yeux de Joe Biden, de Macron, de tous ces Occidentaux bandeaux qui sont là. Je vous remercie. Et merci à vous également, cher ami Sadiawara, pour cette première intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.